Chapitre 3. Pouvons-nous connaître Dieu? Vous souvenez-vous de votre grand-père Albert? Vous ne l'avez rencontré qu'en septembre 2000, lorsque nous sommes allés au Canada pour le mariage de mon frère. Maddy, vous aviez 8 ans, et ici, vous n'aviez que 4 ans. Vous le connaissiez toutes les deux, bien sûr, car c'était mon père. Vous aviez vu des photos et je vous l'avais décrit. Mais, même si vous aviez passé du temps avec le père de votre mère, Giancarlo, à Melbourne, vous n'aviez jamais rencontré Albert. Il y a une grande différence, n'est-ce pas, entre savoir que quelqu'un existe et le connaître personnellement. Vous connaissiez mon père comme un fait. Vous saviez où il vivait et même à quoi il ressemblait. Mais vous n'aviez pas avec lui la même relation personnelle que celle que vous aviez avec votre nono, Giancarlo. Il en va de même lorsqu'il s'agit de connaître Dieu. Dans le dernier chapitre, j'ai expliqué que, pour moi en tout cas, il est logique de croire que Dieu existe. Mais est-il possible de connaître Dieu personnellement, de la même manière que tu as fini par connaître ton grand-père Albert? Peux-tu avoir une relation avec Dieu? Peux-tu te sentir proche de lui, voire lui parler comme à un ami? Je crois que oui. En fait, c'est exactement ce que Dieu souhaite. Il nous a créés pour avoir une telle relation avec lui, et il a œuvré tout au long de la longue histoire de l'humanité pour que cela se réalise. La capacité à nouer des relations personnelles intimes est l'une des choses essentielles qui nous distingue des animaux, n'est-ce pas? Bien sûr, les animaux peuvent établir des relations avec nous, et ces relations peuvent être très précieuses dans notre expérience. Mais aucun animal ne peut comprendre ou connaître véritablement un être humain de la même manière que nous pouvons nous comprendre et nous connaître les uns les autres. Nous sommes différents à bien des égards. Notre créativité, par exemple, les oiseaux construisent des nids, mais ce ne sont pas des architectes. Les dauphins communiquent à l'aide de sons sous-marins, mais ils n'écrivent pas de poésie. Notre sens du bien et du mal est une autre caractéristique humaine distinctive. Un chien sait quand son maître est mécontent, mais il n'a pas vraiment de conscience, n'est-ce pas? Le plus spécial de tout, et qui sous-tend tout cela, est peut-être notre conscience de soi humaine. Nous utilisons de manière unique les pronoms « je » et « moi ». C'est bien sûr pour cette raison que nous pouvons nous poser de grandes questions telles que « pourquoi suis-je ici ?» Comme je l'ai dit plus tôt, les animaux se contentent de survivre, mais nous, les êtres humains, exigeons un but dans la vie, et notre conscience de soi unique est à l'origine de ce besoin ressenti. Devons-nous supposer que ces différences fascinantes entre les humains et le monde animal sont simplement le fruit de l'évolution ? Il n'est pas certain qu'elles nous donnent un avantage dans la lutte pour la survie. Il me semble beaucoup plus logique de croire qu'un Dieu personnel nous a conçus de cette manière remarquable, afin que nous puissions profiter de relations interpersonnelles, non seulement entre nous, mais aussi avec lui. Bien sûr, il faut admettre que beaucoup de gens semblent assez heureux de se laisser porter par le courant, comme un bateau sans boussole en mer, sans aucune dimension religieuse ou spirituelle dans leur vie. Ils dérivent à travers l'école, vers un emploi, vers le mariage, vers la parentalité. Finalement, ils dérivent vers la vieillesse et la mort. Et tout au long de cette errance sans but, ils semblent satisfaits de ne jamais s'interroger ou poser de questions sur le sens ultime des choses. Mais je ne suis pas comme ça. Et j'espère que vous non plus. Alors, Maddy et Izzy, vous aurait-il suffi de savoir que votre grand-père Albert avait existé? Auriez-vous été pleinement satisfaite de sa photo? Ou bien la vérité est-elle que le simple fait de savoir qu'il avait existé ne pouvait vous satisfaire pleinement? Vous vouliez le rencontrer vous-même, le voir de vos propres yeux, avoir une relation personnelle avec lui, comme vous l'aviez avec votre cher nono? Je pense connaître la réponse. Et bien sûr, lui aussi voulait vous connaître. Vous avez toujours été importante pour lui, mais il s'est senti beaucoup plus proche de vous depuis que vous vous êtes rencontrés. Et je suis sûr que ce sentiment est réciproque. D'après mon expérience, il en va de même dans notre relation avec Dieu. Une conscience lointaine de l'existence de l'autre ne peut jamais suffire, ni pour lui ni pour nous. Il veut une relation personnelle étroite avec nous. Il veut faire partie de notre vie. Et il a implanté en nous une profonde insatisfaction à l'égard de tout ce que le monde peut offrir, qui est moins que cela. Le grand théologien Augustin l'a formulé de manière célèbre. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Mais comment cela peut-il se produire? Contrairement à votre grand-père, Dieu ne vit pas au Canada. Il ne fait même pas partie de l'univers visible. Comment pouvons-nous avoir une relation avec quelqu'un comme lui? C'est vraiment le sujet du reste de ce livre. La possibilité d'une telle relation dépend entièrement de l'initiative de Dieu. S'il avait décidé de rester secret, nous n'aurions jamais pu le découvrir par nous-mêmes. Mais, et c'est là le plus remarquable, il a décidé de se révéler à nous. Il a ouvert des voies de communication avec nous. Pour commencer, il s'est exprimé par l'intermédiaire de prophètes et d'apôtres dont les paroles inspirées sont aujourd'hui rassemblées dans la Bible. Lorsque nous lisons ces paroles, Dieu lui-même les applique spirituellement à nos cœurs, de sorte qu'elles ne se contentent pas de nous dire des choses vraies à son sujet, mais qu'elles nous permettent réellement d'entrer dans cette relation personnelle avec lui à laquelle nous aspirons. Du moins, c'est ce que j'ai vécu, et je sais que des millions d'autres personnes partagent cette expérience. Ma mère m'a offert ma première Bible en 1988, et j'ai immédiatement commencé à l'étudier, à la recherche de réponses aux grandes questions dont nous avons parlé. Je ne dis pas que cela m'a été facile au début. Pouvais-je vraiment faire confiance à ce livre ancien? Mais au fur et à mesure que je le lisais, une confiance inébranlable s'est développée en moi, celle que Dieu me parlait réellement à travers lui. Je crois que vous vivrez la même expérience si vous décidez de vous lancer dans le même voyage de découverte à travers ces pages. C'est un trajet qui se poursuit encore aujourd'hui pour moi. Mais il y a autre chose à dire. Les mots seuls ne suffisent pas pour décrire une relation personnelle, n'est-ce pas? Je sais que des correspondants tombent parfois amoureux alors que leur seule communication se limite à des lettres envoyées par la poste. Mais, comme nous l'avons dit à propos de grand-père Albert, pour vraiment connaître quelqu'un, il faut le rencontrer en chair et en os. Il y a des aspects de notre personnalité qui se perdent dans la traduction lorsque nous ne partageons que des mots. Dieu l'a ressenti aussi. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il a décidé de se révéler d'une manière encore plus personnelle. Voici comment la Bible elle-même le formule. Dans le passé, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de diverses manières par les prophètes, et de diverses manières. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Hébreux 1, verset 1. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14.